إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا في دراسة محاضرة الشيخ العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، الفقه في الدين عصمة من الفتن. Nous continuons l'étude de cette conférence de son éminence Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى، qui est le titre est la compréhension de la religion, c'est une protection des fitaines. Pour se protéger des fitaines, il faut avoir la compréhension de la religion. يقول حفظه الله تعالى فالفتن هذه تعرض على قلوب الناس فأي قلب أنكرها ولكن القلب الذي ينكرها هو القلب الفقيه المتفقه في كتاب الله عز وجل الذي يعرف حكم الله في هذه الأمور. Il dit Habibullah Ta'ala, là où nous sommes arrêtés la dernière fois, les fitaines sont exposées au cœur des gens. Et tout cœur qui va les rejeter, mais il dit, mais qui est ce cœur qui va rejeter les fitaines? C'est le cœur qui a la compréhension du livre d'Allah. C'est le cœur qui comprend le livre d'Allah Azza wa Jal, qui connaît les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui connaît les lois concernant ces situations, c'est-à-dire les situations de la fitna. يقول أما الجاهل فقد تنطلي عليه وقد يعجب بها ويعتبرها من الحضارة والرقي وأن الابتعاد عنها يعتبر من الجفاء والجلافة كما يقولون. Il dit, mais quant à l'ignorant, il va se faire avoir par les fitna, il va être ébahi par les fitna. Et peut-être qu'il va trouver que les fitanes, c'est du progrès, c'est la civilisation. Et le fait de s'en éloigner, c'est de revenir en arrière, et c'est d'être laxiste. Comme ils disent, « Kama yaquluna walhaq, walhaq innahu la asima min hadhihi alfitan illa ma ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala asiman minha wa huwa kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. » Il dit, Hafidhahullah ta'ala, la vérité, c'est rien qui peut protéger de ces fitan que les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour protéger des fitan, et qui sont une citadelle de protection contre les fitan, qui est le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط المستقيم إلى صراط العزيز الحميد. Il dit dans le verset que c'est cher ici un livre que nous t'avons descendu pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière avec l'ordre de leur souverain et pour les amener vers une voie droite, la voie du fort, la voie du loué qui est Allah subhanahu wa ta'ala. وقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Et le premier verset c'est dans sourate Ibrahim verset 1, et le deuxième verset ici c'est sourate Al-A'raf numéro 3. Suivez ce qui vous a été descendu de votre souverain et ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés. Si vous vous rappelez peu, dit, suivez ce qui vous a été descendu de votre souverain, ne suivez pas les alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. ne suivez pas des alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. Et dans l'autre verset que je cherche ici, ce Coran guide vers la voie droite. Et il annonce les bonnes nouvelles aux croyants qui font les bonnes œuvres, qu'ils auront une énorme récompense de leur souverain, Azza wa Jal, et que ceux qui ne croient pas en l'au-delà, ils vont avoir l'énorme châtiment et le douloureux châtiment. L'Isra du verset 9 au verset 10. Wa qala subhanahu wa ta'ala في أول سورة البقرة التي هي ثانية سورة في المصحف الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Et dans sourate al-Baqara, la vache, qui est la deuxième sourate du quand on ouvre le noble mushaf, il est dit Alif Lam Mim, ce livre dans lequel il n'y a aucun doute, qui est une guidée pour ceux qui préservent les droits d'Allah, ceux qui croient en l'invisible, qui accomplissent la prière et qui dépensent un peu de la subsistance que nous leur donnons. Et ceux qui croient en ce qui t'a été descendu, ce qui est descendu avant toi, et qui ont la certitude sur l'au-delà, ceux-là sont sur une guidée de leur souverain, et ceux-là, ce sont ceux qui ont réussi. يقول الشيخ حفظه الله ذكر الله في مطلع هذه الصورة أن هذا القرآن هدى للمتقين خاصة ثم بين من هم المتقون. Il dit Habidallahu Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a cité au début de cette sourate, qui est la sourate de la vache, que ce Qur'an est une guidée pour le mutaqoun, pour ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala en particulier. Et il nous a montré qui sont ces mutaqoun. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ثم حكم لهم بالفلاح والهداية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Il les a décrits ainsi, ceux qui croient en l'invisible, qui accomplissent la prière et qui dépensent un peu de la subsistance que nous leur donnons. Ceux qui croient en ce qui t'a été descendu et ce qui est descendu avant toi et qui ont la certitude sur l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en citant leurs caractéristiques et leurs qualités, il a décrété que ceux-là, ce sont ceux qui ont réussi et qui sont guidés. Que ceux-là, ils sont dans la réussite et dans la guidée. Ceux-là sont sur une guidée de leur souverain et ceux-là ce sont ceux qui ont réussi. ثم ذكر الصنف الثاني وهم الكفار والصنف الثالث وهم المنافقون. Et dans la même sourate, au début de la même sourate, il a cité la deuxième catégorie qui sont les mécréants et la troisième catégorie qui sont les hypocrites. La première catégorie qu'il a citée au début de sourate al-Baqarah, c'est ceux qui préservent les droits d'Allah. La deuxième catégorie qui est citée dans la sourate, ce sont les mécréants. Et la troisième, ce sont les hypocrites. Tout ceci au début de sourate al-Baqara. يقول ذكر الله سبحانه وتعالى أن البشر عند هذا القرآن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. Il cite de nous dire, Allah سبحانه وتعالى nous a montré dans cette sourate que les gens face au Coran ils sont trois catégories de personnes. Les gens face au Coran sont trois catégories de personnes. Le qism al-awwal, alladhina amanu bihi zahiran wa batinan wa humul muttaqun, wa dhakara Allah min awsafihim ma dhakar. La première catégorie, c'est ceux qui ont cru en Allah dans leur apparence et dans leur fort intérieur. Ceux-là, ce sont ceux qui préservent les droits d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité certains de leurs caractéristiques et de leurs attributs. ثم ذكر القسم الثاني وهم الذين كفروا بهذا الكتاب ظاهرا وباطنا وهم الكفار. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء كفروا بالقرآن باطلا وظاهرا، فختم الله على قلوبهم عقوبة لهم فأصبحت لا تقبل الحق بعد ذلك. Et il a, Allah subhanahu wa ta'ala a cité la deuxième catégorie dont, au début de Sourate Al-Faqara, ce sont ceux qui ont mécru en ce livre, dans leur fort intérieur et dans leur apparence aussi. Et ceux-là, ce sont les mécréants. Il est dit dans le verset, ceux qui ont mécru, soit que tu les avertisses ou que tu les avertisses pas, ils vont pas croire. Allah subhanahu wa ta'ala a scellé leur cœur et a scellé leurs oreilles et leurs vues. Et sur leurs vues, il y a un voile. Et sur leurs oreilles, sur leur ouïe, ainsi que sur leur vue, il y a un voile. Leurs cœurs sont scellés et ils auront l'énorme châtiment. Cela, dit Cheikh Hafidhahullah, ce sont ceux qui ont mécru en ce Coran, dans leur apparence et dans leur fort intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala a scellé leur cœur par châtiment. Il les a châtiés en scellant leur cœur. Et donc leur cœur n'accepte plus la vérité après qu'ils soient scellés par Allah subhanahu wa ta'ala. والقسم الثالث الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون. وذكر الله فيهم 14 آية من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا إلى قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui ont cru en le Coran avec en apparence, mais ils ont mécru en ce Coran dans leur fort intérieur. Ceux-là, ce sont les hypocrites. Et Allah subhanahu wa ta'ala les concernant, il a cité plus de 10 versets. Partant de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, du verset 8 dans Sourate Al-Baqarah et jusqu'au verset 20. Il est des gens qui ont dit: nous avons cru en Allah et en l'au-delà, et ils ne sont pas croyants. Ils trahissent Allah et ceux qui ont cru, jusqu'à au verset qui dit: si Allah subhanahu wa ta'ala l'a vu, le voulait, il aurait enlevé leur vie ainsi que leur vue, mais Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. يقول الشيخ حفظه الله: الحاصل أن كتاب الله فيه الهدى والنور يحتاج منا إلى تدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Il dit, il en résulte que le livre d'Allah, dans le livre d'Allah, il y a la guidée, il y a la lumière, mais il a besoin de nous qu'on le comprenne, qu'on le médite. Et il dit, il nous cite le verset dans Sourate Sad, verset 29, un livre que nous t'avons descendu pour qu'il médite ces versets et pour que se rappellent ceux qui sont doués de raison. فمن يريد النجاة من هذه الفتن فعليه بكتاب الله عز وجل. Et celui, dit Cheikh Hafidhahullah, qui veut être sauvé de ces fitan et de ces perturbations, il faut qu'il se cramponne au livre d'Allah. عليه بكتاب الله ماذا يجعله عنده يشتري المصحف يجعله عنده. Dit, hein, il faut qu'il se cramponne, il faut qu'il, hein, qu'il s'occupe du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui s'y cramponne. Comment? Il le prend, il l'achète, il le met chez lui? Là, alayhi an yaqra'ahu wa ya'mala bima fihi. Il doit le lire et mettre en application ce que lui dicte ce Coran, ce qu'il y a dans ce Coran. Fa huwa al-masdar al-awwal lil-hidayati wan-najati min ash-shurur fi ad-dunya wal-akhirah. Fi hadha al-Quran al-'azim tadabburu. Il dit, car c'est l'essence, la première essence et la première origine de la guider et du fait d'être, et pour se protéger du mal dans ce bas-monde et dans l'au-delà, tout vient de ce Coran. Fi hada al-Quran al-Azim tadabbur, c'est-à-dire on méditant ce livre d'Allah. والاكثار من تلاوته le fait de le lire beaucoup, والاكثار من العمل به et le fait de mettre en application ce Coran. Ya, c'est l'origine pour être guidé, pour être sauvé de toutes sortes de maux et de toutes sortes de mal et de toutes sortes de fitna. من اجل ان يكون واقيا لك من هذه الفتن والشرور. Dit Hafidhahu Allah Ta'ala, pour que ce livre il te soit une protection contre ces fitan, contre ces maux. Hein? Il faut que tu le lises beaucoup, il faut que tu le médites, il faut que tu le mettes en application. يقول وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تفسر هذا القرآن وتبينه وتوضحه وتدل عليه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النجم. Il dit, Habibullah Ta'ala, il en est de même pour la sunna du messager, alayhi salatu wasalam, car c'est elle qui éclaire le Coran, c'est elle qui nous explique le Coran, et c'est elle qui nous oriente vers le Coran, et nous éclaire sur les versets, comme il est dit dans le verset Najm, l'étoile, versets 3 et 4, il ne parle pas de ses propositions, c'est une révélation qui lui a été faite. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي هذا الأمانة والضمانة من الفتن لمن تمسك بها. الرسول صلى الله عليه وسلم dit j'ai laissé en vous et j'ai laissé pour vous des choses, si vous y comprenez, si vous vous comprenez à ces deux choses, vous n'allez pas vous égarer après moi, le livre d'Allah et ma sunna. Cher de nous dire ça, c'est la sécurité contre la fitna pour ceux qui s'y cramponnent, c'est-à-dire celui qui s'y cramponne à la sunna du prophète et au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est en sécurité, il est dans une citadelle que le protège de la fitna et du fitan et du mal. يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. Il dit, hein, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai laissé en vous et pour vous quelque chose, c'est à laquelle vous vous cramponnez, vous n'allez pas vous égarer après moi, le livre d'Allah et ma sunna. Wa akhbara sallallahu alayhi wa sallam fi hadith إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Et il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé dans d'autres hadiths qu'il va y avoir des fitanes, comme les ténèbres de la nuit. L'homme se réveille, il est croyant, et le soir il devient mécréant. Et l'homme le soir, il est croyant, il se réveille, il est mécréant. Il vend sa religion pour les futilités de ce bas monde. يبيع دينه بعرض من الدنيا يؤتل الدنيا على الآخرة فإن ساق مع الدنيا يترك الصلاة يمنع الزكاة يعصي الله ورسوله ويطيع الشيطان وأعوان الشيطان فيبيع دينه بعرض من الدنيا نسأل الله العافية من هذه الفتن العظيمة. والفتن الذي حفظه الله تعالى ها sa religion pour des futilités de ce bas monde. Et il préfère ce bas monde à l'au-delà. Il suit, il court derrière ce bas monde, il délaisse la prière. Il ne donne pas la zakat, il ne s'acquitte pas de la zakat. Il désobéit à Allah et au messager d'Allah. Il obéit à Shaitan et aux disciples de Shaitan et aux lieutenants d'Yal Shaitan, aux aides d'Yal Shaitan, il leur obéit. Et à l'armée d'Yal Shaitan, il leur obéit. Et ils vont sa religion pour des futilités du sous-bas-monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de ces énormes fitanes, il dit Cheikh Hafidhahullah ta'ala. والفتن تشتد كلما تأخر الزمان تشتد الفتن إلى أن تأتي الفتن الكبرى المتتابعة إلى أن تقوم الساعة. Il dit les fitans, hein, sont nombreuses, ils deviennent de plus en plus nombreuses à la fin des temps, jusqu'à ce qu'arrivent les grands fitnas qui vont se suivre les uns les autres, jusqu'à ce qu'arrive l'heure et la résurrection, l'heure, jusqu'à ce qu'arrive la fin du monde. يقول فالإنسان يعايش الفتن في هذه الدنيا، يعايشها خصوصا أهل آخر الزمان أكثر معايشة للفتن، وتكون الفتن في عهدهم أكثر لقرب قيام الساعة ونهاية الدنيا. Il dit, donc l'être humain, il vit avec les fitans dans ce bas monde. Il vit, surtout, il vit avec ces fitans plus particulièrement à la fin des temps. À la fin des temps, les gens vont vivre avec les fitans, avec beaucoup de fitans. Dans leur époque, il y aura beaucoup de fitans parce que l'heure approche et parce que la fin de ce bas monde approche. يقول فالإنسان يعايش الفتن حتى عند الموت، الإنسان يفتتن حتى عند الموت، وقد يختم له بخاتمة طيبة وقد يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله. Il dit, il est humain, il vit avec la fitna même au moment de la mort, il est dans les fitans, il vit avec les fitans et peut-être que la personne va être perturbée, va être meftoun au moment de la mort, et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala il lui donnera une bonne fin et peut-être qu'il lui donnera une mauvaise fin, al'adhu billah. وكذلك يفتتن حتى في القبر إذا وضع في قبره يفتتن يأتي ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. Et il dit, et aussi il va être perturbé, il va être dans la fitna aussi dans sa tombe. Quand il sera posé dans sa tombe, il y a une fitna. Les deux anges vont venir, ils vont l'asseoir, ils vont lui poser des questions. Qui est ton souverain? C'est quoi ta religion? C'est qui ton prophète? يقول والسعادة والشقاوة تتوقف على الجواب. Il dit, le bonheur et le malheur dépendent de la réponse. فإن قال ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ينادي مناد أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من إلى الجنة فيفتح له من الجنة ويأتي من روحها وطيبها وينظر إلى مساكنه في الجنة ويقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. Il dit حفظه الله تعالى. Et donc le bonheur et le malheur dépendent de la réponse. C'est pour ça, d'où, frère en Allah Azza wa Jalla, nous devons nous préoccuper de ces trois principes fondamentaux qui sont la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion d'Allah, la connaissance de notre prophète et de sa sunna pour pouvoir le suivre et pour pouvoir répondre. Et donc, parce que le bonheur et le malheur dépendent des réponses. S'il dit, au moment des réponses, il répond, mon souverain c'est Allah. C'est-à-dire mon seul digne d'être adoré. Et l'islam, c'est ma religion. Et Mohammed alayhi salam, c'est mon prophète. Ah, un annonciateur va dire, mon serviteur a dit vrai. Ah, mettez-lui, ah, des tapis du paradis. Mettez-lui des trucs qui viennent du paradis dans sa tombe. Et ouvrez-le, ouvrez-lui une porte sur le paradis. Et une porte lui sera ouverte vers le paradis et il sentira l'odeur qui va arriver vers lui du paradis. Et il va regarder les habitations du paradis et il va dire au souverain que l'heure arrive maintenant pour que je revienne vers ma fortune et vers ma famille. يقول الشيخ وما إذا لم يستطع الجواب فإنه يقول ها عند كل سؤال يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما كان يعمل عن اقتناع وعن إيمان وإنما كان يوافق الناس تقليدا فقط أو من أجل طمع الدنيا منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. Il dit, alors s'il ne peut pas répondre, il va dire ha. À chaque question, il aura dit ha, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose et je l'ai dit. Donc, et quand il mettait en application, il n'était pas convaincu, il ne le mettait pas en application parce qu'il était convaincu et c'est pas une application qui vient de la foi. Mais tout simplement, il concorde avec les gens, il imite tout simplement les gens, il concorde avec eux pour. Soit il se concorde avec les gens, il les imite, soit il le fait pour les choses de ce bas monde. Et il fait, ou alors, c'est un hypocrite qui fait apparaître la foi et qui, dans son intérieur, il y a la mécréance. منافق يظهر الإيمان وابتن الكفر سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وهو ما يدري فينادي مناد أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. Et donc c'est un hypocrite qui a fait apparaître la foi et qui cache la mécréance. Il dit, j'ai entendu les gens dire quelque chose, je l'ai dit. Il ne sait pas. Et l'annonciateur dit, ah, mon serviteur a menti. Mettez-lui des tapis du feu de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer et la tombe va se rétrécir et va être très étroite pour lui. Jusqu'à, il va le serrer jusqu'à ce que craque ses os et ses côtes. Alors que le premier, sa tombe va être très large, hein, à perte de vue. Et celui-là, sa tombe va se serrer contre lui jusqu'à craquer, faire craquer ses os et ses côtes. Et en plus de ça, il regarde à sa place au feu de l'enfer. Et il dira, quand il regardera à sa place au feu de l'enfer, ô souverain, qu'il n'y ait pas la résurrection. Hein, tu vois que, cher de nous dire, il y a l'épreuve, il y a l'examen, même dans la tombe, à l'islam. C'est pour ça, frère en Allah, azzawajal, nous devons s'y préparer. Avec quoi? En maîtrisant la connaissance d'Allah, la connaissance de notre religion, la connaissance de quoi? De notre messager de sa sunna, alayhi salatu salam. Pour vivre et accomplir ces trois principes dans notre vie, pour que, incha'Allah, nous soyons parmi ceux qui vont réussir. Yaqul al-Sheikh Habidallah, fal'abdu ibn Adam mu'arradu lil-fitan fi hayatihi wa inda mamatihi wa fi qabrih. Et il dit Habidallah ta'ala, le serviteur, le descendant d'Adam, il est exposé au fitan durant sa vie, au moment de sa mort, et dans sa tombe. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Et comme il est dit dans sourate Ibrahim verset 27, Allah raffermit ceux qui ont cru. Il les a raffermis par quoi? Par leur foi, avec la parole ferme dans ce bas monde et dans le delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala égarera les gens justes. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Et dans l'autre verset que le Cheikh ici dit, ceux qui ont dit notre souverain, c'est Allah, c'est-à-dire notre seul digne d'être adoré, c'est Allah, ils ont pris le droit chemin, ceux-là, au moment de la mort, les anges vont arriver vers eux aujourd'hui. N'ayez pas peur pour ce que vous allez laisser derrière vous. Et ne soyez pas attristés pour ce que vous allez rencontrer. Et attendez-vous au paradis qui vous a été promis. Nous vous annonçons le paradis qui vous a été promis. Nous sommes vous alliés dans ce bas monde et dans le delà. Et vous avez dans le paradis ce que vous avez envie. Et vous avez tout ce qui vous a été promis. Tout ceci de votre souverain qui est le pardonneur, qui est le clément. Fossélat, verset 30 à 32. وقال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يعني بسبب صبركم على دينكم وتباتكم على الحق في الحياة الدنيا نلتم هذه الكرامة سلام عليكم بما صبرتم ها ما حصلوا هذا الشيء عفوا إنما حصلوه نتائج صبر وثبات وإيمان بالله ورسوله قال تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Et dans l'autre verset que cette cheikh ici, qui est dans sourate Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 23-24, il est dit, des jardins d'Éden, ils vont rentrer dans les jardins d'Éden, eux et ceux qui sont bons parmi leurs parents, et parmi leurs femmes, et leurs similaires, ceux qui ont fait les mêmes actes qu'eux, ainsi que leurs descendants, et les anges vont rentrer chez eux pour les féliciter. Ils vont arriver de toutes les portes, les anges rentreront les voir pour les féliciter, ils viennent de toutes les portes. Hein? Ils leur annoncent les bonnes nouvelles, parce que Hein, il les félicite pourquoi? Parce que ils ont enduré, ils ont patienté, et cher de le dire, parce qu'ils ont patienté pour leur religion. Ils ont aussi porté pour leur religion. Ils sont restés fermes sur la vérité dans ce bas monde. Ainsi, ils ont eu ces honneurs. Salamun alaykum bima sabartum. Les félicitations, les honneurs leur arrivent. Hein, parce qu'ils ont enduré. Ceci n'est pas arrivé du vide. Ceci est arrivé par la patience, par le fait d'être ferme, par une foi en Allah, en son messager. C'est pour ça qu'ils ont eu la bonne fin et la bonne demeure. Il est pour eux, comme il est dit à la fin du verset. يقول الشيخ وأما الكافر والعياذ بالله فيقول الله تبارك وتعالى عنه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الأنفال verset 50-51. Et quand mes crayons, nous dit Cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, il est dit dans le verset, si tu voyais les anges, comment, si tu voyais les gens quand ils sont venus pour prendre les âmes des mécréants, comment les mécréants, ils étaient tristes, comment ils étaient opprimés, ils recevaient des coups sur leur visage, ils recevaient des tapes sur leur visage, sur leur derrière. Et les âmes et les anges leur disent, sortez vos âmes et goûtez au châtiment douloureux, parce que c'est ce que vous avez mérité, ce que vous avez fait, ce sont vos actes, c'est ce que vous avez fait avec vos mains. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste avec les serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste avec les serviteurs. Wa qawluhu ta'ala wa law tara idh dhalimuna fi ghamarati al-maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna 'adab al-hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al-haqq wa kuntum 'an ayati tastakbirun wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'a'ukum alladhina زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Et dans l'autre verset, dans sourate Al-An'am, verset Libistio 93-94, il dit, si tu voyais les injustes au moment de la douleur, de la mort, au moment très difficile, et au moment de l'agonie qui est très, au moment très difficile de l'agonie de la mort, et les anges étaient sévères avec eux. Sortez vos âmes. Aujourd'hui, vous allez vers l'énorme châtiment que vous méritez. Parce que vous disiez sur Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi, parce que vous disiez pas la vérité sur Allah subhanahu wa ta'ala, et vous vous enorgueillez devant les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes venus maintenant seuls, comme nous vous avons créé la première fois, et vous avez laissé tout ce que nous vous avons donné derrière vous. On ne voit pas avec vous, vos intermédiaires, que vous avez prétendu qu'ils sont que vous avez prétendu comme associé, vos relations se sont coupées, vos liens avec eux se sont coupés, et ce que, tout est parti autour de vous, la richesse, le bénéfice, la sécurité, tout ce que vous prétendez n'existe plus maintenant, tout s'est séparé de vous. يقول الشيخ حفظه الله فالإنسان يعيش الفتن إلى آخر لحظة من حياته بل وعند وضعه في قبره فالأمر يحتاج إلى اهتمام الفتن عظيمة والنجاة أولا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله لكن لا يحصل التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالتفقه في دين الله عز وجل فالتفقه في دين الله لا يحصل عفوا وأماني كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Et il dit, حفظه الله تعالى. Donc l'être humain, il vit avec les fitnes, jusqu'au dernier moment de sa vie. Et au moment où il va être posé dans la tombe. Donc la situation doit qu'on soit préoccupé. Alors que les fitnes sont énormes. Et pour être sauvé, on ne peut être sauvé premièrement qu'avec le livre, en se cramponnant au livre d'Allah et à la sunna de son messager alayhi salatu wasalam. On ne peut pas être sauvé si on ne se cramponne pas au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et ceci, on ne peut l'obtenir qu'en comprenant la religion d'Allah. Car avec la compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on arrive à être protégé, on arrive à sortir des vitaines. C'est une protection. Mais ceci ne vient pas du vide. Ceci a besoin de nous, d'efforts. Comme il est dit dans surat al-Baqarah verset 78, et il fait partie d'eux, hein, en parlant des gens du livre, des communs. Des communs des gens du livre qui ne sont pas des hommes de science. Ils ne connaissent du livre rien. Ils n'ont du livre que la lecture tout simplement. Hein? Et ils ne font qu'imiter. Et ils ont que des suspicions. يقول حفظه الله العلم لا يحصل بكثرة القراءة أو كثرة الكتب أو كثرة المطالعة لا يحصل العلم بهذا إنما يحصل العلم بالتعلم على أهل العلم وتلقي العلم عن العلماء يقول ceci est très important frère en Allah عز وجل. Ça nous concerne tous. Il dit la science ne peut pas s'obtenir qu'avec tout simplement parce que on lit beaucoup et parce que on lit beaucoup de livres. On s'acquiert beaucoup de livres parce que on révise, on jette l'œil sur beaucoup de choses et beaucoup de sujets. Ceci ne peut pas amener la science, mais la science s'obtient avec l'apprentissage. On apprenant c'est les hommes de science, on prenant des hommes de science. يقول فالعلم بالتلقي لا تلقائيا كما يظن بعض الناس اليوم. La science c'est quelque chose qu'on prend. Il ne vient pas comme ça. Avec la lecture et le fait de lire, etc. Là, comme le croient beaucoup de gens maintenant. بعض الناس اليوم يقتلون كتبا ويقرأون في كتب الحديث والجرح والتعديل والتفسير وكذا ويزعمون أنهم بذلك حصلوا على علم. لا. هذا علم لم يبنى على أساس ولا قواعد لأنه لم يتلقى عن أهل العلم فلا بد من الجلوس في حلق الذكر وفي فصول الدراسة عند المعلمين الفقهاء العلماء ولا بد من الصبر على طلب العلم il dit حفظه الله تعالى certaines personnes achètent des livres lisent dans les livres du hadith dans les livres de la réfutation et de l'éloge dans les livres de l'exégète et ainsi de suite ils prétendent qu'avec ça ils ont acquis de la science il dit non. Cette science qu'ils ont acquis n'est pas basée sur des bases et sur une fondation et sur des fondements. Ils n'ont pas eu des hommes de science. Il est obligatoire de s'asseoir dans les cercles d'enseignement et du rappel. Il est obligatoire d'aller dans les salles d'études chez les enseignants, jurisconsultes, hommes de science. Et il est obligatoire de patienter sur la demande de science et d'endurer pour ça. يقول ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. Il ne cite une parole de l'un de nos plus aïeux qui dit et celui qui ne goûte pas la bassesse et le rabaissement de l'apprentissage d'une heure, il va goûter au verre de l'ignorance toute sa vie. Celui qui ne se rabaisse pas, qui ne se fait pas modeste pour apprendre une heure, durant toute sa vie, il goûtera, il boira du verre de l'ignorance toute sa vie. يقول حفظه الله لا بد من الصبر والعلم لا يحصل بالقراءة ولا يحصل تلقائيا وإنما يحصل تلقيا على أيدي العلماء الصالحين الفقهاء العارفين الذين يبصرون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit حفظه الله تعالى il est obligatoire de patienter et la science ne vient pas avec la lecture n'est comme ça, il va arriver comme ça. Non, c'est pas possible. La science va arriver quand on apprend des hommes vertueux, des hommes de science vertueux, des jurisconsultes qui connaissent, des ceux qui ont la clairvoyance, qui ont la compréhension du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Et comme le disaient certains de nos plus aïeux, la science autrefois était dans les poitrines des hommes. Aujourd'hui, il est dans le ventre des livres. Mais sa clé restera toujours dans la poitrine des hommes. يقول حفظه الله فلا بد من الانتظام في سلك التعلم ولا بد من أخل العلم من أبوابه والدخول من الأبواب كما قال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. Et il dit, Havidallahu ta'ala, donc, il faut prendre le chemin de la demande de la science. Il faut rentrer dans une organisation, soit s'il est universitaire ou autre, etc. Et il est obligatoire de prendre la science par ses portes et de rentrer par les portes de la science. Par, il est dit dans le verset dans Surat al-Baqarah, verset 189, la dévotion, c'est-à-dire la piété, ce n'est pas le fait de venir par derrière les maisons. Mais la piété, c'est celui qui préserve les droits de Allah subhanahu wa ta'ala et qui rentre dans les maisons par leurs portes. Yaqul, فالعلم له أبواب وله حملة وله معلمون فلا بد أيها الإخوان من انضمامكم لحلق التدريس سواء كانت في المساجد أو في المدارس أو في المعاهد أو في الكليات المهم أن نأخذ العلم عن العلماء ما داموا موجودين وما دامت الفرصة ممكنة il dit عبد الله تعالى la science il a ses portes il y a ceux qui portent cette science. Et il y a les enseignants de cette science. Donc il est obligatoire pour nos frères qu'on va dans les assises d'enseignement. Que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les écoles, dans les instituts, dans les universités, dans les facs. L'essentiel c'est qu'on prend la science des hommes de science tant qu'ils existent, tant que l'occasion est possible. Et pour ce qui nous concerne et que vous concerne, nous devons essayer d'avoir par tous les moyens à aller dans un pays et pour beaucoup parmi nous à aller maîtriser la langue arabe déjà en premier lieu et ainsi de suite et après étape par étape parce que tout doit être basé et tout doit se faire étape par étape et on ne doit pas brûler les étapes ikhwat al-islam yaqul amma an natafarraqa wa kullu wahidin yajlis fi ghurfa wa yaj'al lahu maktaba wa yutali' fiha wa huwa lam yabni ala asas wa lam yata'allam qawa'id al-'ilm فهذا يضيع فلا بد من التفقع في دين الله على ايدي الفقهاء il dit quant au fait que on se disperse chacun reste dans sa chambre ou dans une pièce et il acquiert une librairie il lit dedans celui-là il n'a pas construit sur des bases et il n'a pas appris les fondements de la science celui-là il dit il va se perdre donc il est obligatoire de comprendre la religion de Allah subhanahu wa ta'ala chez les jurisconsultes يقول كذلك كما أشرنا من أسباب النجاة لجوم جماعة المسلمين والابتعاد عن انتمائه إلى الفرق والجماعات. Il dit comme nous l'avons dit, il est obligatoire pour être sauvé de rester avec le groupe des musulmans. Et là, je vais arrêter, inshallah. C'est l'heure de l'adhan pour nous, inshallah, pour salat al-isha. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakum Allahu khairan.